Yo, ça a commencé par un léger désaxe. Un léger désaxe. Et ça s'est légèrement aggravé. C'est devenu une sérieuse chute. Ça fait longtemps qu'on est en chute, j'dirais au moins 10 ans. Disons que la bière, on en a bu, ça saoule plus depuis longtemps. On est sur le rhum, gin, vodka, Jager ou cognac, Long Island Iced Tea, à peu près tout sauf du Jack. Fuck that. Si tu nous cherches, on est au bord. T'es peut-être solide, mais sûrement moins qu'une boule de billard. Les seules fois qu'on se lève, c'est pour pisser quelque part. Pas toujours aux chiottes, quand on est sous, on devient des porcs. Dirty, c'est comme ça que les gars m'appellent. D-I-R-T-I. C'est comme ça que ça c'est belle pour les analphabètes. Ceux qui vomissent dans leur alphabet chaque matin sous de la veille jusqu'à 2h10. J'ai le soleil qui se lève, les oiseaux qui chantent. Comment veux-tu rentrer chez vous sans que personne entende? T'es sous de même. J'suis tanné d'être en chute, j'ai hâte à l'atterrissage. Pour Noël, j'voudrais un parachute. Quand on commence, c'est impossible de nous arrêter. La chute est longue, ça finit toujours en buvrie de quartier. Pour nous, une bière égale 2, 2 bières égale 6, 6 bières égale 12. Et ça continue et c'est tué, y'a pas de limite. Sauf le coma éthylique. Toutes les excuses sont bonnes pour boire avec ma clique. Avec tout ce qu'on boit durant une année, Molson devrait nous payer et nous commanditer. On est en chute, chaque soir au bord des chutes. C'est la chute, tu veux nous suivre, attache ta tuque. On est en chute, pas de temps à perdre avec les petites putes. C'est la chute. On est en chute, chaque soir au bord des chutes. C'est la chute, tu veux nous suivre, attache ta tuque. On est en chute, pas de temps à perdre avec les petites putes. C'est la chute. Les journées sont longues et les nuits de plus en plus courtes. La mémoire flanche et on commence à manquer les bouts. Même si l'espérance de vie rétrécit, on en a rien à foutre. On commencera pas à boire au compte-gouttes. J'ai le sang clair, c'est évident, j'suis un alcoolique sécuritaire. Quand j'suis sous, j'conduis moins vite. Pilote automatique, paraît que c'est criminel. Pour nous, c'est naturel, on est chuteurs professionnels. On est en chute, mon chou, champion toute catégorie. À l'année longue, on boit. C'est pas fini, tant que c'est pas fini. Non. Appelle-moi chuteur, ma caféine en ligne, le gin. On boit tout ce que ramène-nous le gin. Tout ce qu'on laisse au bord, c'est des bouteilles vides. Ça se continue ailleurs, on ramène toutes les filles. On exagère, c'est sûr que ça nous coûte cher. Mais on pète une coche quand y'a plus de bière. Yeah. Le doublon à la base de mon alimentation. Accompagné de vodka détrimé, j'suis prêt à l'action. La chute est longue, toujours le dernier à atterrir. Le survivant, toujours partant pour un délire. P.I.C. encore sous l'effet du THC. Champion chuteur pour le reste de ma vie. Où j'serai celui qui t'appelle pour chuter, que ce soit le jour ou la nuit. On est en chute, chaque soir au bord des chutes. C'est la chute, tu veux nous suivre, attache ta tuque. On est en chute, pas de temps à perdre avec les petites putes. C'est la chute. On est en chute, chaque soir au bord des chutes. C'est la chute, tu veux nous suivre, attache ta tuque. On est en chute, pas de temps à perdre avec les petites putes. C'est la chute. Pas la tête quand vient le temps de chuter. J'consomme juste la qualité, mes jumps sont bien vieillis. Yeah, yeah. Dans nos parties, c'est une 24 minimum. Sinon tu rentres pas, pense t'as une paire de seins ou c'était des ha-ha. J'te conseille pas de devenir chuteur, ça coûte cher, on meurt jeune. Tu penses avec la bière qu'on déjeune. On est de la pire espèce, toujours en train de boire. Peu importe ce qu'on a à faire, on remet ça chaque soir. Et c'est bien connu, les shooters shooters sont reconnus pour être devenus des experts dans le domaine de l'abus. Les serveuses nous aiment, mais les bandes nous détestent. On laisse des gros disciples, mais on fout souvent le bordel. Tourner, on casse tout dans les chambres d'hôtel. Quel point on a de la classe, qu'on a brisé, on le paye. Les cachets de spectacle, ça va financer la chute. On aime mieux se péter la face plutôt que payer pour des putes. Je te jure qu'on en profite, on a pas à se plaindre. Sans lever de trois, réserver une aile à maison, j'en la pointe. Meilleur que touriste, pour l'économie de Québec, on n'est pas en visée. Et sur les bords, on les a toutes faites. Notre marque de commerce, une armée d'alcooliques. D'alcoolique. Qui font la file au bord, prêts à dépenser leur flic. Puis si un jour tu tombes en chute avec nous, attache ta tue. Parce que je te jure, même c'est dur, se rendre jusqu'au bout. On est en chute, chaque soir au bord des chutes. C'est la chute, tu veux nous suivre, attache ta tue. On